C'est le 9e congrès de l'Internationale des Fédérations Anarchistes. L'Internationale des Fédérations Anarchistes se réunit en congrès tous les 3 ou 4 ans. En général, c'est tous les 4 ans. Dans différents pays, à chaque fois, une fédération prend en charge l'organisation du congrès. Et donc, à la dernière, aux dernières réunions de coordination de l'Internationale des Fédérations Anarchistes, il a été décidé d'organiser notre congrès en même temps que ces rencontres internationales. D'une part parce que la Fédération Anarchiste et l'Internationale des Fédérations Anarchistes sont partie prenante du comité d'organisation, ont apporté leur énergie, leur force, leurs militants et militantes. Et d'autre part parce que le congrès de Saint-Imier est un moment important dans l'histoire du mouvement anarchiste et pour l'IFA en particulier. L'Internationale des Fédérations Anarchistes a été constituée en 1968 à Carrare, en Italie. Et dès le début, elle s'est revendiquée de l'héritage de ce congrès de Saint-Imier de 1872, qui pour nous est l'acte fondateur du mouvement anarchiste organisé, du mouvement de l'anarchisme social. Tu veux continuer, non? Je continue sur un peu l'historique alors. Donc, lors de ce congrès, nous avons bien entendu des délégués de l'ensemble des fédérations adhérentes à l'Internationale des Fédérations Anarchistes. Donc, il y a la Fédération Ibérique, l'Anarchist Federation de Grande-Bretagne. Donc, je crois qu'il faut que tu précises que la Fédération Anarchiste Ibérique regroupe à la fois l'Espagne et le Portugal. Voilà. Donc nous reconnaissons pas les limites des États, donc nous avons des fédérations qui sont transnationales, comme la Fédération Anarchiste regroupe aussi des militants de langue francophone de France, de Suisse et de Belgique. Il y a aussi la Fédération de langue allemande qui regroupe des groupes et des camarades anarchistes en Allemagne, mais aussi en Suisse allemande. Il y a la Fédération tchèque, la Fédération slovène, la Fédération libertaire d'Argentine. La Fédération anarchiste de Biélorussie et enfin d'autres pays, voilà. Donc nous étions représentés lors de notre congrès. Nous avons eu une quarantaine de délégations étrangères invitées, donc des organisations anarchistes de par le monde, du Brésil, du Chili, du Mexique, du Brésil, je sais plus si je l'ai dit. Uruguay. D'Uruguay. De Roumanie, des USA, des États-Unis donc. Les Croates étaient présents parce qu'on les a interviewés. Les Croates étaient présents. Les Croates. Les Macédoniens. Les Macédoniens. Serbiens. Les Serbes. Un camarade d'une union anarchiste en Russie. Un certain nombre de pays représentés qui, pour nous, marquent un succès aussi de ce congrès de l'Internationale des Fédérations Anarchistes qui a réussi à être un événement ouvert sur une large partie du mouvement anarchiste de par le monde. Et Bonnie, qu'est-ce que toi qui es à l'IFA depuis un certain temps, comment justement dans ce congrès, après ce qu'a décrit Fed, comment tu ressens, est-ce qu'il y a un élargissement des contacts, est-ce qu'il y a une possibilité d'élargir l'IFA? Ce qui était intéressant, c'est que les délégués au congrès étaient obligés d'agir sur deux fronts. Une fois, on était dans notre congrès et on avait des discussions très intéressantes et les travaux très importants à faire. En même temps, il y a beaucoup de nos délégués qui ont fait participer dans beaucoup de réunions, les tables rondes de Saint-Emir même. Et moi, je vois que les deux côtés they complement each other. Ils se mélangent, ils se sont rencontrés. Et parce que les présentations qu'on a faites à Saint-Emir, c'était aussi les présentations qui représentent la politique des fédérations qui sont adhérées à IFA. Alors pour moi, c'était ça qui était assez intéressant, c'était ce mélange et échanger de ce qu'on faisait au congrès et ce qu'on faisait au Saint-Emir, qui était intéressant pour nous et aussi nous permettant de exprimer nos idées politiques à beaucoup de monde. Et est-ce que au-delà de, enfin, je me pose la question à tous les deux. Je pense bien que j'étais délégué au Congrès de l'IFA, comme on s'est occupé de la radio à fond, on n'y a absolument pas participé. Donc c'est vraiment une question. Est-ce que vous avez pu aborder justement le problème d'un développement de l'IFA qui passe forcément par un travail, certes avec les fédérations qui en font partie, c'est le travail de base, mais aussi avec des groupes qui existent. Et, je pense à l'Amérique latine, mais on pourrait parler de plein de régions. On sort d'une interview avec le Chili où il y a divers groupes, il y a des fonctionnements qui sont jeunes, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire, etc. Quel travail peut faire l'IFA avec ces groupes? Est-ce que vous en avez eu l'occasion d'en parler? Oui, genre de groupe, hein, je veux dire, je citais le Chili comme exemple. Effectivement, on en a parlé, de toute façon, nous avons réaffirmé les décisions prises au congrès de l'International des fédérations anarchistes en 2004 à Besançon, pour qui il fallait avoir une attitude ouverte à l'ensemble du mouvement anarchiste, parce que il y a une actualité, une réapparition, une résurgence de groupes anarchistes dans des régions où il avait disparu, où elle était faible, et qui sont en train de se réaffirmer. Depuis le dernier congrès de l'International des fédérations anarchistes de 2008, on peut dire aussi que l'actualité sociale, l'actualité internationale a été plus que riche et plus que chaude, on va dire. Le début de la crise de la dette, les révolutions arabes, les luttes étudiantes au Québec, en Angleterre, au Chili. Voilà. Donc il y a un certain nombre de points d'actualité qui ont aussi amené à la convergence et puis à l'articulation, à la rencontre des militants et des militantes anarchistes lors des rencontres internationales de l'anarchisme de Saint-Imier et aussi lors du congrès. Et on est lancé dans une dynamique, Saint-Imier et les rencontres de Saint-Imier et le congrès ne voulaient pas juste un lieu d'enregistrement de la mémoire historique. Mais, pendant des années, nous avons soutenu et aidé et suivi la création de la Fédération anarchiste à Mexico, dans l'État du Mexique. Et c'est des copains, des camarades avec qui on a été en long contact et on a suivi le processus de constitution très très important. Et la suite logique, c'est que nos relations avec la Fédération anarchiste du Mexique. Avec Fred et Bonny. Bonjour. Bonjour. Il nous invite en tant que co-organiser une rencontre anarchiste d'Amérique latine. Il y a une réelle réflexion aussi sur les moyens utilisés pour le partage de l'information, pour la construction de mouvements, la création de groupes de travail, etc. Donc le meeting méditerranéen fait par exemple partie typiquement du fonctionnement. C'est les copains italiens qui avaient ça en tête et qui ont sollicité l'ensemble des fédérations pour voir un peu les contacts qu'elles avaient sur place afin d'organiser les choses et puis d'avancer sur un programme d'appel commun. Et puis donc un petit groupe de travail s'est mis en place, on échange les contacts, on fait passer l'information, on se réunit de façon régulière lors de nos réunions de coordination de l'IFA. Et c'est un projet qui avance, quoi, et qui va, effectivement, comme disait Bonny, vraisemblablement prendre naissance dans le courant de l'année prochaine à Athènes avec les copains grecs qui se proposent de nous accueillir. Voilà, on a. C'est un travail qu'on entreprend, quoi. D'accord. Bonny, tu veux ajouter quelque chose? Il y a une autre décision qu'on a prise, c'est de mener une campagne, contre l'austérité. Et ça, on va mener au sein de toutes les fédérations et de faire la propagande commune et de aussi échanger les expériences différentes. Mais cette campagne va être menée par toutes les fédérations pendant une période de 6 mois, une année, mais c'est une campagne qu'on va tous mener ensemble. Oui, ça, je pense que c'est très important parce que non, moi j'ai appris des choses, des initiatives dans un certain nombre de pays que je ne connaissais pas et certainement c'est très important qu'elles circulent entre les diverses fédérations et au-delà. C'est assez difficile d'avoir des fédérations avec les langues, les histoires et les traditions, assez certains principes de base, mais quand même pour nos fédérations. Et la façon de travailler est assez différente. si je peux donner un petit exemple, que pour nous, en Grande-Bretagne, on a l'habitude de terminer assez tôt le soir. Et pour nous, on arrive on travaille pendant 10-12 heures. Et pour nous, c'est l'heure de terminer. Mais pour quelques autres fédérations dans leur pays, ont l'habitude de travailler beaucoup plus tard. Alors, c'est assez important. J'ai des gens qui viennent de vraiment prendre vivre et de continuer encore des heures. Et ça, ce genre de choses, c'est difficile, mais c'est très important parce que c'est pour créer une société. Oui, c'est vrai que les fonctionnements, on parle la même langue. En fait, c'est aussi ça qui est rigolo. En fait, on parle la même langue, même si on parle des langues différentes. Et les copains italiens doivent faire aussi un travail de distanciation de ces groupes et puis de réaffirmation de l'anarchisme social, de la volonté de changer la société en profondeur et avec les gens. Et les copains italiens sont fortement investis dans les luttes contre le train à haute vitesse, le Notav, dans le Val de Susa. Et ils sont vraiment impliqués ça ressurgit aussi des urgences de débats qui veulent porter au sein de l'IFA. Les copains espagnols, les copains et les copines, eux c'est aussi tout ce qui s'est passé autour du mouvement du 15 mai. Voilà, chacun a une actualité qui le pousse vers tel ou tel sujet de travail, sujet de confrontation, et puis ça oblige aussi à des différentes formes d'organisation. L'organisation des comités de quartier en Espagne, c'est pas la même que l'organisation de camps pour empêcher la construction du train dans le Val de Susa. Nous, au niveau de la Fédération anarchiste francophone, on sort d'une année, disons plusieurs années, mais cette année particulièrement, d'action autour des alternatives anarchistes concrètes. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on est très attaché. Et en fait, le congrès de l'International des fédérations anarchistes permet aussi, c'est justement, qu'on échange sur ce qu'on fait, la façon qu'on a de le faire, comment on le perçoit, comment est-ce qu'on perçoit aussi notre action. Parce que dans l'histoire du mouvement anarchiste, donc de l'International des fédérations anarchistes depuis 1968, à chaque fois, le congrès, c'est aussi une réorganisation, réorientation de nos activités en fonction de l'actualité. Par exemple, les copains italiens ont besoin de réaffirmer la différence et le rejet de la lutte armée comme perspective de changement social. Donc, c'est quelque chose qui avait été établi au sein de l'International des fédérations anarchistes en 1976, au moment des attentats des groupes marxistes, etc. Enfin, de la lutte armée, pas des attentats, mais bref. Et en ce moment, il y a le besoin de retravailler cette notion. Et notamment aussi parce que dans des luttes comme le Notav, ils sont à nouveau confrontés avec des groupes qui prônent l'insurrection et ils doivent se positionner par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut travailler? Peut-être est-ce qu'on peut travailler avec ces groupes sans s'associer à eux? Enfin bon, il y a toute une réflexion que nous, dans la Fédération anarchiste francophone, cette réflexion, elle n'est pas d'urgence. Donc c'est aussi intéressant ça. La question de la Fédération libertaire argentine rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur la coordination des anarchistes au niveau du continent. Ce que je trouve qui fonctionne, c'est une coordination, je trouve qui fonctionne plutôt bien. Ils se connaissent, ils sont entrés en contact les uns les autres avant de venir à Saint-Imier. Ils ont été contents de se retrouver, ils se voyaient peut-être pour la première fois et c'était intéressant aussi pour ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bon, ça paraît un peu non. Je voulais juste prolonger ce que tu as dit sur le courant insurrectionnalisme ou insurrectionniste, je sais pas exactement ce qu'on dit, j'ai entendu les deux, qui existe aussi en Amérique latine, pour en avoir discuté notamment avec les compagnons mexicains. Bon, faut dire que l'État a une telle violence, c'est faut aussi situer le contexte. Effectivement, faut analyser, on n'est pas effectivement pour lutter armée, ceci étant, faut essayer de comprendre pourquoi des luttes dans certains pays, certains voient pas forcément une insurrectionnelle, etc. Et justement, je pense, je ne sais pas si ça a été évoqué par les compagnons mexicains, mais pour en avoir parlé avec eux, même avant Saint-Imier, l'anarchiste française était présente à la création de la Fédération anarchiste mexicaine l'année dernière, et ceux qui avaient organisé ce congrès, les insurrectionnalistes ne voulaient pas participer à ça. Par contre, ils sont venus, ils ont mis une table, où ils ont mené, je sais pas, leur proposition. Donc les ponts ne sont pas complètement coupés, ça c'est le cas du Mexique, mais ça peut être différent autrement. Et c'est vrai que c'est sur ce sujet-là et sur bien d'autres, à la fois échanger et échanger intelligemment, c'est-à-dire en connaissant le contexte, parce qu'il n'y a pas de réponse absolue qui va être valable dans toutes les circonstances et dans tous les pays. Donc, c'était juste un complément. Donc, Bonnie, tu voulais rajouter quelque chose? C'est ça. La Fédération anarchiste de Grande-Bretagne a fait une réunion au sein de Saint-Imier au sujet de l'insurrectionnalisme. Et je pense que ce courant, cette tendance paraît dans beaucoup de façons différentes. Et c'est pas important si ce courant se manifeste différemment, mais c'est quand même la même idée. Et ce qu'on a dit, et on avait beaucoup de soutien parmi les gens qui écoutaient la présentation, que le problème, c'est un manque de connexion, comment on dit, correspondance. On n'est pas raciné dans un mouvement. C'est des groupes de gens qui sont isolés et font partie d'un mouvement de masse et de base. C'est eux-mêmes qui agissent pour les autres. C'est n'importe où, c'est la même mentalité. Et ça, pour nous, c'est très important. Et ça, c'était clair dans toutes nos présentations au sein de Saint-Imier ou dans le congrès. Et ça, Fred a dit avant, il a donné beaucoup d'exemples que toutes nos fédérations sont bien investies dans les luttes. Et on a une pratique. Alors, les présentations, les discussions sont toujours un mélange de théorie et de pratique. Et j'ai parlé avec Hugh, je pense qu'il a fait une présentation au table ronde. Et je crois que pour la Fédération française aussi, ils ont dit que la théorie et la pratique, c'est aller ensemble. Ouais, et ça, dans toutes les discussions, on discute des idées, des fois très compliquées, la théorie et tout ça, mais il y a toujours une base de pratique. Les gens de toutes les fédérations ont une expérience très riche. Et pour moi, ça, c'est intéressant, c'est très important pour nous dans les fédérations, qui, même les différences de notre expérience, ce qu'on a en commun, c'est que tout ce qu'on dit est basé dans la pratique, même si la pratique est différente. Et d'ailleurs, ça me semble tout à fait cohérent avec notre histoire qui commence à avoir un petit peu d'âge, parce que même les grands théoriciens de l'anarchisme n'ont pas pondu une idéologie sortie comme ça de leur tête, mais on réfléchit sur des pratiques, justement. Oui, d'autant plus que, je sais pas, quand on pose une question, comme les journalistes ont pu en faire à moi et à plein d'autres, mais pour vous, qu'est-ce que c'est l'anarchisme? Moi, je commence toujours par dire que le chemin est aussi important que le but. Et des fois, ils sont interloqués, puis je développe, mais enfin, bon, on voit clairement. Et donc, le chemin, c'est la pratique, c'est comment, c'est pas uniquement, là, on va vous faire une société qui est cette forme-là, c'est comment on y va, parce que à la limite, Marx disait bien qu'il voulait, dans le futur lointain, une société anarchiste, donc ça ne veut pas dire grand-chose en fait, c'est la pratique qu'on voit, comment les gens se comportent, comment ils se comportent déjà entre eux, comment ils se comportent avec ceux qui ne sont pas anarchistes ou qui ne connaissent pas bien, etc. Et moi, j'avais une question un peu d'un autre ordre qui me tient assez à cœur depuis très longtemps, donc je voudrais savoir comment ça transparaît dans l'IFA, parce que je pense que ça l'illustre tout à fait. Je pense que dans un mouvement anarchiste ou même pourquoi pas un autre mouvement, une coopérative, des choses comme ça. Ce qui est très important, c'est le problème de l'évolution dans le temps, c'est-à-dire des diverses générations. Surtout le mouvement comme un mouvement anarchiste qui est très ancien, qui a beaucoup de pratiques, qui a beaucoup de livres, qui a beaucoup de choses, quoi, beaucoup de journaux, beaucoup de réflexions diverses, etc. Quand on se trouve dans un mouvement, par exemple, comme en Mexique, la plupart des pays d'Amérique latine, où ça a dû être évoqué, la plupart du temps, c'est des mouvements jeunes, il n'y a presque plus d'anciens, et c'est toujours pour eux très difficile de reconnaître leur passé, même s'ils ont très envie. Donc ça, c'est un exemple, donc, dans un continent, un pays, comment faire, comment fait l'IFA, par exemple, va faire l'IFA pour travailler avec des fédérations qui sont à la fois faites de jeunes et qui sont jeunes. Ça, c'est une première chose. Et à l'intérieur, justement, de l'IFA, est-ce que si on sont là, il y a à la fois ceux qui ont connu les débuts de l'IFA, moi, ça me paraît essentiel parce qu'un mouvement, il faut beaucoup de jeunes, mais il ne faut pas que des jeunes, il faut aussi des générations intermédiaires, des anciens, pour pouvoir échanger aussi sur les expériences passées. Est-ce que vous avez une réflexion, des pistes justement pour tenir compte de ces différences aussi sur ce plan-là, quoi, à la fois de la connaissance du mouvement ancien, des comportements qui ne sont pas forcément les mêmes parce que c'est des nouvelles générations. C'est quelque chose qui me tient assez à cœur parce que je pense que ça a une assez grande importance. Mais une chose est sûre, c'est qu'au sein de l'Internationale des Fédérations, ou l'anarchiste, ça veut dire au sein des fédérations anarchistes, il y a une mixité d'âge, de sexe, voilà. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est très divers et qui est à l'image de la société, on peut dire. La difficulté pour les pays, notamment les pays qui ont eu à subir des dictatures et où il y a eu vraiment une coupure générationnelle, là, c'est compliqué. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'effectivement, les groupes anarchistes avaient besoin, étaient en demande. Nous, on a l'impression d'être éditer des livres, ça sert pas à grand chose, ou peut-être que c'est pas ça qui fait. Enfin, c'est pas ça, mais on a l'impression des fois qu'on fait éditer des livres. Et pour eux, c'est hyper important. Ils nous l'ont dit, voilà, ce que vous faites, le travail de diffusion des idées, nous, on n'a pas ça dans nos pays. Il n'y a même pas besoin d'aller dans des pays pauvres. On participe tous les ans au Salon du Livre au Québec. L'importance de l'histoire du mouvement anarchiste et la présence de livres anarchistes francophones, c'est hyper important pour eux. Il leur manque aussi un certain nombre d'écrits ou alors voilà. Donc nous, on a cette tradition et les copains, les copines, les fédérations, les groupes sont en demande de ces informations. Donc nous, ce qu'on doit faire au niveau de l'IFA, là, c'est on a un gros travail aussi de traduction de nos textes et de diffusion à l'ensemble de l'ensemble de ces groupes qu'on a pu rencontrer lors de ces rencontres, et aussi faire un boulot de traduction nous des textes que nous recevons et de les discuter, parce qu'il y a ces nouveaux groupes, ces nouvelles pratiques, elles doivent aussi nous interroger, elles doivent aussi nous intéresser, et on doit les connaître. Donc il y aura un gros boulot de traduction et d'échange d'informations là qui va être entamé. Ne serait-ce que qu'est-ce que c'est que le fédéralisme? Pour nous, ça a l'air très simple, mais dans des pays où pour l'instant les groupes sont des groupes affinitaires très localisés, il faut leur expliquer comment marche une fédération. La fédération de Grande-Bretagne, quand ils ont rencontré, je ne sais plus si c'est les Slovènes ou les Croates, quel moyen de diffusion des journaux ils pouvaient faire de façon assez rapide, assez simple et peu coûteuse. On a l'impression que les choses vont de soi, et en fait il faut vraiment reprendre, enfin il faut partager les expériences qu'on a, quoi. Et ça, c'est important. Et je crois que l'idée aussi expliquer comment fonctionne une fédération. On a un copain donc de la fédération de langue allemande qui est allé au Chili, qui a rencontré la plupart des groupes anarchistes du Chili. Et ces groupes se connaissent, mais de loin, et ils n'arrivent pas à imaginer comment ils pourraient... ils n'arrivent pas à imaginer, c'est pas ça, mais il y a quelque chose à surmonter pour se rencontrer, s'organiser, etc. Et là, c'est là-dessus que l'IFA a quelque chose à jouer, quelque chose à apporter. Je pense aussi aux anarchistes de Cuba, qui sont fortement demandeurs, mais de solidarité très très concrète pour le développement du mouvement anarchiste qui semble ressurgir aussi, qui tente de se structurer. Et pareil de l'appui en matériel informatique, etc. Et donc il y a des choses vraiment très très concrètes, très très simples, qui pour nous paraissent aller de soi, mais qui au final il faut quand même les faire. Mmh. Et il faut pas c'est ces petites choses qui vont et d'elles. Et après les copains, les copines dans les pays savent aussi quelle est leur réalité sociale. Et puis prendront ce qui les intéresse et prendront pas ce qui leur convient pas. Donc il y a pas non plus, c'est ce qu'on disait, il y a pas l'imposition d'un système, il y a pas l'imposition d'une ligne dogmatique. Il y a une multiplicité d'expériences et une multiplicité de pratiques qu'on essaie de conjuguer comme on peut de façon la plus intéressante possible. Bonnie, je veux pas dire que pour la fédération ibérique et italienne, je veux pas dire qu'il y a pas des jeunes, mais bien sûr il y a dans la fédération française aussi, il y a des jeunes. Mais il faut dire que la fédération de Grande-Bretagne, c'est, il n'y a pas l'expérience, les gens avec la même expérience que dans les autres trois fédérations. Le même pour la fédération de langue allemande, le même pour la Slovénie, le même pour le Tchèque. Alors, pour eux, c'est très intéressant d'écouter les gens qui ont beaucoup d'expérience et, you know, une histoire, etc. En même temps, il faut dire que ces gens-là, et nous aussi, on regarde les situations peut-être avec les nouvelles yeux, on peut dire. Une fédération qui est plus âgée a des traditions et une manière d'agir et de fonctionner qu'ils ont depuis plusieurs années. Alors, de temps en temps, ils ne peuvent pas changer la façon de voir des choses. Alors, en écoutant, les plus anciennes fédérations peuvent apprendre beaucoup de choses en écoutant les jeunes fédérations, parce que pour eux, c'est une nouvelle et c'est pour ça, c'est bien d'avoir un international comme ça qui peut faire ce genre d'échange. Et c'est très important, et je crois qu'on arrive à ça, à respecter les gens de toutes les fédérations, les jeunes, les vieux, et c'est ça, je trouve, très intéressant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour, je pense que l'exemple de Cuba que tu as cité, même si c'est encore en train de démarrer, mais enfin, ils font déjà un travail assez important. Les compagnons là-bas, ça recoupe ce que tu as dit, puisque on a un compagnon de la Fédération anarchiste, il s'appelle Daniel Pinos, qui va très souvent en Amérique latine, notamment en Chili, puisqu'il a adopté des enfants chiliens, mais il connaît très bien Cuba, toute l'histoire de Cuba, et il était au courant très rapidement de compagnons comme Karen Negrete qui est à Paris, un compagnon cubain de jeunes donc qui cherchait à mettre en place un certain nombre de choses dans les niveaux culturels, politiques, sociaux, évidemment totalement opposé à ce qu'il subissait à Cuba. Et Daniel est rentré en contact avec ces jeunes qui en demandaient dans un premier temps des livres. Donc lui, il est d'origine espagnole, bon, puis ça fait très longtemps qu'il est dans le mouvement anarchiste. Bon, et à travers ses livres, c'est à travers aussi ses livres que c'est leur fonctionnement, ils se sont aperçus que ça correspondait bien à des propositions libertaires, etc. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que Daniel Pinos, avec Karen Negrete, que j'ai cité, il vient de sortir un livre cette fois qui est issu justement du travail de tous ces gens, là, des anarchistes, mais aussi d'autres, des oppositionnels avec qui ils travaillent. Donc, c'est une traduction de textes qui sont parus là-bas, de cubains là-bas. Et donc, on est passé au stade exactement que tu décris. Et il vient de sortir il y a très peu de temps aux éditions CNT, je crois, de la région parisienne. Et c'est très intéressant. Cette démarche est très intéressante. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qu'on peut apporter, nous, c'est, enfin, quand je dis nous, c'est les fédérations qui existent depuis longtemps. C'est notre expérience, mais c'est pas du tout la juste ligne. Et on a effectivement beaucoup à apprendre, parce que moi je pense que le mouvement anarchiste est en train de se développer réellement, peut-être pas encore dans les structures suffisamment, mais en tout cas à plus d'écoute auprès d'un plus grand nombre de gens. C'est sans doute la situation de crise qui l'amène, et c'est vraiment le moment de à la fois d'apporter ce qu'on a pu faire jusque-là, mais aussi de voir quelles sont les initiatives des groupes anarchistes, et même au-delà, je pense, des populations. Moi, j'ai appris des choses extraordinaires, si je passe en Crète, il y a des communes qui sont complètement autonomisées de l'État, qui fonctionnent horizontalement entre elles. Ça, c'est des expériences dans un terrain, ça c'est la population. Alors je dis pas qu'il y a peut-être quelques anarchistes qui sont là, mais même moi j'ai vu fonctionner des choses des fois dans certains endroits en situation de crise souvent où les gens pour la survie alimentaire finalement mettent en place un système horizontal, un système où ils reprennent leur vie en main et sans forcément même qu'il y ait ni Lubakouni ni même qu'il y ait un anarchiste, parce que peut-être il va suggérer plus vite comment s'organiser, que ça aille plus vite. Ceci étant, il faut aussi laisser les gens prendre en charge. Enfin, il y a diverses situations. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. C'est vraiment dans les deux sens, quoi. Il n'y a pas des gens qui ont un long vécu et qui savent tout. Et il n'y a pas des gens qui arrivent qui ont à apprendre. Et inversement. On ne peut pas peser sur le présent si on finit pas par connaître son passé. Et le passé, on sait qu'il a été détruit par le fascisme, par le communisme, soit en Amérique latine et en plein d'autres endroits. Donc, pour ça, je crois que c'est vraiment important. Et je pense à ce que tu évoquais, par exemple, l'idée de traduction de livres, encourager des gens à des brochures ou autre chose sur leurs expériences, ça serait vachement bien. Je pense que l'IFA peut aider à ça. Oui, mais c'est... De toute façon, on a du travail pour plusieurs années, quoi. Oui, mais je pense que ça vaut le coup. Genre triomphalisme. Non, on s'est réunis, on est contents. Non, je pense que c'est vraiment, ne serait-ce qu'à travers toutes les interviews qu'on a pu faire, je sais pas, Monique, qu'on a suivi, c'est vraiment, tu vois des gens qui ont la pêche, quoi, qui croient, qui disent, mais ça, maintenant, on a plus d'écoute autour de nous, les gens dans les quartiers se rendent compte que ce qu'on propose, c'est plus intéressant, ça permet de s'en prendre en main. Alors, je généralise pas, mais je pense qu'il se passe quand même quelque chose. Enfin, vous avez certainement dû le percevoir pendant tout le congrès, c'est certain. Surtout vu toutes les délégations qui étaient là. Oui, donc à ce congrès, Fred, un certain nombre de choses ont été débattues et donc il y a eu des textes qui ont été donnés. Donc, est-ce que tu peux nous dire si te paraît le plus important, en tout cas pour dire, pour en parler aux auditeurs de Radio Libertaire. Mais il y a toujours dans l'organisation d'un congrès de l'International des Fédérations Anarchistes, il y a deux niveaux. On peut dire il y a un niveau d'organisation interne des débats, des discussions, des échanges d'informations. Comment apparaître, comment faire circuler l'information. Donc, il y a eu des ateliers là-dessus, donc pour améliorer nos relations, et puis des ateliers qui ont été vraiment très riches sur des thématiques de la crise économique, bien sûr. Donc, Bonny a parlé que suite aux travaux de cette commission, on a décidé de travailler ensemble sur la question de la dette contre les politiques d'austérité. Il y a bien entendu la solidarité internationale avec le développement de solidarité concrète, mais aussi l'établissement de relations directes et puis l'aide au développement et au renforcement des groupes anarchistes. Il y a aussi donc l'antimilitarisme dans une société de crise, dans une société qui devient violente, la notion de guerre interne et de guerre externe, créer un ennemi intérieur pour justifier des politiques répressives, pour justifier aussi le déploiement des forces armées dans des pays à l'étranger, en vendant des armes, en déplaçant les populations, etc. Souvent aussi pour des motivations de contrôle des ressources, avec l'ordre géostratégique, géopolitique qui sont derrière, les intérêts politiques qu'il y a derrière. On a aussi beaucoup parlé de l'antinucléaire, des énergies alternatives. On a eu la chance aussi sur Saint-Imier d'avoir des copains anarchistes japonais qui étaient là et qui ont pu animer un débat qu'on a fait venir pour participer à ces rencontres. On a fait une émission avec eux. Qui étaient vraiment des gens très très intéressants. Et puis donc j'en ai déjà parlé, la question des migrations et puis des difficultés et des solidarités que les anarchistes peuvent développer pour aider les migrants qui arrivent dans des situations de grande détresse, qui ont à subir des violences, de l'exploitation, etc. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça ça a été des débats très très riches. La plupart, quelques débats en tout cas, on n'avait pas assez de temps pour les mener à bout. Donc on a décidé aussi de poursuivre la réflexion lors de nos comités de coordination, et puis c'est une réflexion qui se continuera aussi à l'intérieur de chaque fédération, quoi, pour continuer sur cette thématique. C'est des thématiques qui reviennent de façon récurrente et puis que l'on développe. Par exemple, pour la solidarité internationale, Le Congrès de l'International des Fédérations Anarchistes a pris deux motions de soutien international. Une motion de soutien aux luttes en ce moment au Pérou, dans les régions minières, et une motion de soutien pour les anarchistes biélorusses emprisonnés. Et à l'occasion du congrès, enfin, à moins que tu veuilles rajouter d'autres choses, hein? Non. Pour l'instant. Je pense qu'on pourrait peut-être parler un petit peu, parce que, bon, on parlera un petit peu quand on parlera dans l'ensemble de ce qui passait à Saint-Imier, mais bon, il y avait plein de lieux, et notamment un lieu particulier qui était donc consacré au congrès de l'International des Fédérations Anarchistes, et pratiquement tous les soirs, il y avait des séances publiques auxquelles tout le monde était invité à venir, qui étaient sur le programme donc général de Saint-Imier. Donc, je ne sais pas si vous voulez en parler d'une ou de plusieurs qui vous ont paru les plus intéressantes, ou en tout cas, vous ont le plus intéressé. Ce que j'aime bien avec les congrès et même les CRIFA de IFA, c'est qu'il y a toujours des fédérations ou les gens dans les fédérations qui développent des idées nouvelles. Une autre façon de voir les choses, une autre façon d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, il y a quelques années, on a eu une CRIFA où la Fédération française a présenté des idées sur la décroissance et tout ça. Alors, pour cet congrès, il y avait cette réunion sur la géographie et l'anarchisme. Et j'ai fait un petit entretien avec il s'appelle Philippe qui a fait cette présentation. Et moi, je trouvais ça très intéressant parce que c'est une autre façon de voir le monde. Mm-hmm. Et ça, j'ai jamais pensé comme ça avant. C'était une nouvelle idée que, pour moi, c'était très intéressant qu'on voit le monde, la géographie, comme divisé en pays. Même le picture in our heads, les images mentales. L'image dans la tête du monde, c'est un monde divisé en pays. Et moi-même, je peux nommer presque tous les pays. Mais pour lui, il a dit qu'il faut absolument qu'on commence à faire une représentation du monde sans ses frontières. Une autre façon de faire le lien entre les gens et la place. On dit la place. Les lieux, l'espace. L'espace. Et moi, j'ai trouvé ça ouvert les idées de ça donne beaucoup de potentiel pour discuter et de penser une autre façon. Pour revenir un petit peu sur Philippe Pelletier qui travaille effectivement sur la notion de géographie, déjà c'était une conférence avec un copain italien et puis un copain du Japon, donc il y avait aussi un internationalisme dans les délégations. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on pouvait faire et reconquérir des nouveaux espaces, les nouveaux territoires de l'anarchisme. Et avec ce copain Philippe Pelletier qui travaille sur Reclus, il y a un énorme travail aussi à faire de redécouverte de nos penseurs avec l'angle de vue d'autres spécialistes, notamment la géographie pour ce qui le concerne. Et c'est vrai qu'il est souvent invité à des réunions ou des colloques, notamment au Brésil, et on se rend compte qu'au Brésil, les reclus est étudié et lu, on n'y penserait pas, quoi. Mm-hmm. Et en fait, il y a des choses assez surprenantes comme ça, de découvrir des nouveaux territoires de connaissances, des nouveaux territoires de recherche, etc. Et il y a aussi, alors il y a les pratiques, on en a parlé, hein, des pratiques de la culture, etc. Mais il y a aussi tout un travail, je vais dire universitaire, même si c'est pas le bon terme, en tout cas de recherche, mais vraiment théorique, pointu, auquel les anarchistes doivent se confronter, redécouvrir leurs auteurs, relire Bakounine, relire Proudhon à la lumière des mutations dans la société. Et un vrai travail, donc, bon, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais universitaire, qui est important aussi pour reconquérir ces espaces qui ont été volés par la pensée dominante et pendant un moment qui ont été volés par, disons, la pensée marxiste ou crypto-marxiste, etc., qui occupait tout l'espace intellectuel, tout l'espace médiatique et qui ne laissait aucune place au mouvement anarchiste. Et ce renouveau des idées, c'est aussi de nouveaux espaces de liberté et de réflexion, mais pointus, quoi. Vraiment des débats théoriques et qui s'articulent quand même toujours avec des pratiques, des organisations, des gens qui vivent concrètement les situations et qui s'en démènent comme ils peuvent. Voilà, donc je crois que effectivement d'ailleurs sans y avoir assisté, mais j'ai eu des échos des interventions. Je crois qu'il en a fait une sur un lycée reclus et puis une sur ce que tu as évoqué, ont été vraiment très très appréciées, hein, toutes les personnes qu'on a pu voir. Et c'est pas pour rien qu'on a invité Philippe d'ailleurs pour la séquence suivante, pour faire un peu un bilan avec d'autres sur ce qui s'est passé à Saint-Imier. Mais c'est vrai que ce que tu dis est exact, même bon, on est anarchiste, mais c'est vrai quand on regarde le monde, y compris les petits-enfants, mon petit-fils, ma petite-fille, quand ils regardent le monde, eh ben on voit des pays et ça s'imprègne, ça s'imprègne. Et puis, par exemple, avec les... Non, mais c'est vrai, bon, je suis quand même conscient qu'on veut abolir les frontières, etc. Bon, j'ai pas oublié ça. Mais en même temps, par exemple, quand on a parlé avec les compagnons chiliens, on a parlé des Mapuches. Les Mapuches, il y en a au Chili, il y en a en Argentine. Et ça fait 500 ans qu'ils se bagarrent. Et bon, peut-être que c'est plus répressif dans tel état que tel autre. Mais eux, ce qu'ils revendiquent, c'est un mode de vie et un mode de vie là, dans le territoire dont ils ont besoin pour vivre. Et ça, c'est vrai, c'est important. Et, en plus, c'est relativement naturel. Je veux dire, c'est des peuples naturels. Hein. C'est des peuples que les marxistes voulaient éliminer parce que, bon, matérialisme historique, on devait éliminer les petits paysans, enfin éliminer. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de luttes qui viennent de ces peuples-là, il y a beaucoup de luttes qui viennent des petits paysans, etc. Et donc, un exemple, la zone dans laquelle ils sont, qui représente à peu près 300 000 Indiens, à peu près, chaque commune peut fonctionner du mode zapatiste ou peut continuer à fonctionner sur le mode étatique mexicain. Tu vois, ça c'est important. Je pense c'est une idée anarchiste. C'est pas les anarchistes qui l'ont donné, hein. C'est eux qui l'ont trouvé dans leur fonctionnement. Même si effectivement maintenant il y a des contacts, etc. Et oui, c'est important qu'on ait une réflexion sur ces notions de territoire, même à l'intérieur d'un État donné, remettre en place des choses qui partent de la vie locale, des gens, régional, et effectivement, naturellement, on se dit, mais ces frontières, c'est quoi? C'est la limite de la police de tel État, et quoique, ils peuvent bosser ensemble. C'est pour ça que c'est important, une réflexion comme Philippe. En plus, bon, c'est quand même quelqu'un, ça fait des années, il a fait beaucoup de voyages, en plus, donc il a vu beaucoup de choses au Japon et ailleurs. Non, mais c'est même en étant anarchiste, des fois, il y a des conditionnements, quoi. Il faut vraiment qu'on nous amène des réflexions pour dire, bah oui, c'est ça. Et puis des réflexions, des pratiques, des exemples. Et c'est toutes ces choses-là qui sont importantes à échanger, effectivement. C'était un peu long. Hein. Non, mais c'est. Mais ce qui se passe dans j'ai parlé de les réunions des Balkans, mais c'est ça exactement. C'est les jeunes qui pour eux, ils ont l'habitude de. Ils n'étaient pas dans l'ancienne Yougoslavie. Mm-hmm. Alors pour eux, c'est le Slovénien, le Croatien, mm-hmm. le Macédonien. Alors c'est très important qu'ils commencent à se réunir mm-hmm. entre eux pour perdre cette conception mm-hmm. de division entre États. Mm-hmm. Alors c'est une façon de penser, des idées, une différente image dans la tête, mais aussi c'est des pratiques qui peuvent aider à réaliser une autre image du monde. Mm-hmm. Oui, bien sûr. En agissant avec les autres d'autres pays, on commence à avoir une autre image du monde. Oui, c'est de toute façon, j'ai remarqué, c'est pas toujours vrai, mais même si les gens, c'est pas forcément des anarchistes, mais les gens qui ont voyagé, qui ont vu d'autres réalités, ont parfois des idées moins en forme de pavé, quoi. Ça y est, nous, c'est comme ça que ça doit fonctionner, dans des milieux divers. Je pense les rencontres, enfin si c'est pas un voyage uniquement pour mettre quelque chose sur une valise, hein, si on rencontre des gens, si on y vit un certain temps, si on comprend comment ça se passe, ça relativise quand même beaucoup les vérités. D'ailleurs les apatites sont une phrase très simple, vous allez certainement connaître tous les deux, mais je trouve qu'il résume bien tout ça. Il faut un monde pour tous les mondes, voilà, c'est ça qu'ils réclament. C'est-à-dire bon, c'est même si le ce qui réunit toutes ces propositions, c'est la volonté d'émancipation des individus et des collectifs, mais la solution ne va pas être exactement la même, et ça il faut l'accepter, quoi. C'est au contraire, c'est une richesse, et je pense que le fédéralisme libertaire, quand il est bien compris, il permet ça, il permet justement cette articulation entre toutes ces réalités, entre toutes ces expériences, effectivement. On s'est rendu compte aussi par rapport à la notion de territoire, mais les luttes de territoire, les copains italiens parlent sur la lutte du Notav, c'est ça, c'est les luttes des les territoires qui se rebellent. Donc c'est les habitants du Val de Susa qui se rebellent contre la construction de TGV. Mmh. Et c'est une lutte qui appartient à la population locale et dans laquelle les groupes anarchistes sont investis de façon très très très importante quoi. Mmh. Et de toute façon il peut pas y avoir d'organisation ou de lutte qui s'inscrive pas dans la réalité concrète locale que vivent les gens. Et de ce point de vue-là, effectivement, la notion de territoire et puis de territoire ouvert, elle est importante, quoi. Ne serait-ce que pour l'organisation de ces rencontres internationales à Saint-Imier, ça s'est fait entre la Fédération anarchiste et puis les copains d'Espace Noir et puis de la Fédération libertaire des montagnes. Et on a l'habitude de bosser ensemble et on bosse ensemble et on a des projets. Et ça, c'est un gros projet, mais c'est aussi quelque chose. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce que tu décris, il n'y aurait pas eu cette proposition, cette réalisation. Ça, certainement. Mmh. Hein. Oui, je voulais rajouter un exemple parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps que les compagnons chiliens, qui va tout à fait en sens ce que tu décris, c'est sur la Patagonie. Et bon, je ne vais pas détailler, mais la Patagonie est une zone très belle, très pauvre, relativement pauvre, et dans lequel il y a des projets de grands barrages qui recoupent d'ailleurs tous les grands projets qu'il peut y avoir, Notre-Dame-des-Landes chez nous, Notav, etc. Et non seulement il y a des luttes très fortes dans lesquelles on voit des drapeaux noirs, on peut le voir sur Internet, d'ailleurs très sympathique, j'ai vu des gens qui avaient une branche d'arbre et puis c'était pas un drapeau, ils avaient dû découper quelque chose, donc c'est bon, peut-être il y a des traces aussi des luttes de Patagonie ancienne. Mais ce que je voulais dire, c'est que poussé peut-être aussi par cette agression du capitalisme, puisque l'objectif c'est de créer de l'énergie et de l'envoyer aux multinationales à Santiago, hein, avec des multinationales d'ailleurs majorité espagnole souvent. Et non seulement il y a des luttes très fortes, mais en même temps il y a une réflexion, mais finalement qu'est-ce qu'on veut vivre en Patagonie, et avec une participation vraiment d'une très grande partie de la population. Et moi je pense que dans situations comme ça, les propositions libertaires sont comme un poisson dans l'eau, enfin les gens libertaires sont comme les autres, mais c'est vraiment ça qu'on peut proposer. Ça veut dire quoi, l'État chilien? Ça veut dire un État qui est à Santiago, qui est au service des multinationales et qui est en train d'appauvrir encore plus et de détruire un espace biologique qui est magnifique, quoi, et des gens qui sont là, quoi. Donc, ça met en cause la notion d'État. Il n'y a même pas besoin d'être anarchiste le dire. Oui, bien sûr. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a ressurgi des textes et puis c'est que dans chaque lutte, on ouvre la possibilité de nouveaux espaces de liberté et d'espaces et c'est toutes les luttes en sont porteuses, et c'est l'ouverture qui peut être donnée là-dessus. Et c'est pas pour rien qu'effectivement le mouvement anarchiste se développe, parce que il y a des luttes vraiment très fortes qui posent justement cette radicalité de savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut vivre comme mode de vie, qu'est-ce qu'on veut consommer, voilà, comment on veut produire, etc. Et ça doit être fait à l'échelle d'un territoire, si on peut appeler un territoire, pas du tout dans l'État. Ça me fait penser à une autre chose dont la solidarité concrète avec Cuba et la notion de territoire, etc. À Cuba, ils ont un des gros problèmes. C'est les copains de la Fédération de langue allemande qui nous ont raconté cette anecdote, mais elle est, en même temps, elle fait sourire et en même temps, elle est vraie. Donc, les habitants à Cuba se déplacent en vélo essentiellement parce que l'essence est énormément chère, et c'est des vélos de construction chinoise parce que le gouvernement de Cuba. Ils sont en acier, super lourd, super pas pratique, de très mauvaise qualité, etc., etc. Et les copains d'Allemagne, à Berlin, il y a une coopérative qui fonctionne, qui fait des vélos recyclables à base de bambou. Et ce qu'on se rend compte, c'est que Philippe Pelletier qui rentre dans Philippe le Philippe Pelletier qui arrive et pour la séquence suivante. Donc cette coopérative qui n'est pas anarchiste mais à Berlin travaille sur des vélos en bambou. Et le bambou, c'est une... Et donc, il va y avoir un échange comme ça entre cette coopérative de construction de vélos de Berlin et les copains aussi écologiques. C'est un enjeu économique, c'est un enjeu de recontrôle aussi de la production comme ça qui se situe, y compris sur simplement cet atelier vélo qui pourrait prêter à sourire, mais qui est en fait... une solidarité concrète qui répond à des besoins d'un territoire avec une économie locale et puis des choses qui se développent. Enfin, moi, je trouve que c'est si ça va au bout, ouais. Ça peut être vraiment quelque chose de très très très très très très, très intéressant. Mmh. Ben pour terminer, oui, ça bientôt terminé. Je donnerai quand même la parole à Bonnie, puis elle va conclure. Faire une synthèse brillante. J'ai une chose peut-être à ajouter parce qu'on parle. Oui, vas-y. C'est un peu. À part, mais c'est le même thème, c'est le thème de l'espace, mais aussi l'espace historique. Et pour nous, notre histoire est très importante. Et je trouve que c'est intéressant que pour nous, les anarchistes, on arrive à Saint-Imier, et pour nous, c'est un espace historique. Mais aussi, on a des gens qui habitent ici, et c'est pour les gens ici, c'est où ils habitent, et c'est très intéressant de voir l'interaction des gens, des habitants, c'est pour eux la ville de Saint-Imier, c'est au présent, et pour nous, on est là pour le passé. Mais en même temps, on partage le même territoire physique pendant ces 5 jours, mais c'est quand même un espace dans la tête un peu différent. Oui, on a eu l'occasion d'un autre parler, même d'un invité certain, et de parler aussi dans la rue avec des gens de Saint-Imier. Et c'est assez, ils sont assez étonnés d'ailleurs. Mais à chaque fois, ils disent oui, vous savez, je sais ce qui s'est passé à Saint-Imier, les anarchistes et tout ça. Et on voit plein de jeunes qui reviennent. Ils sont étonnés, mais positivement. En plus, pour certains qui avaient des visions habituelles, l'anarchisme, la bombe entre les dents, ou la fleur, le rêveur, la fleur entre les dents, s'aperçoivent finalement qu'on est des gens un peu comme les autres. Bon, peut-être on a des foutues idées, comme dirait Ferré, et on espère que d'ailleurs, mais surtout prendre des idées et agir. Et je sais pas les expériences que vous avez eues, que vous n'avez pas trop le temps dans le congrès, nous pas trop le temps à la radio, mais on a quand même vu un certain nombre de gens de Saint-Imier, et franchement, c'est aussi le boulot des copains d'Espace Noir depuis longtemps. Ça vient pas de rien. Mais c'est aussi parce qu'il y a quand même une bonne tenue, on va en parler d'ailleurs dans la séquence suivante, de pratiquement l'ensemble des gens qui sont venus là. Ça, c'est important parce qu'il y a une image vis-à-vis, parce que nous, enfin, on l'a déjà dit, hein, je le redis, on s'adresse pas, on n'est pas extrémiste, on s'adresse aux populations, on s'adresse aux gens, et c'est à eux de reprendre nos propositions s'ils en ont envie, s'ils sont des propositions d'organisation, de comment s'organiser horizontalement, et l'image très négative qui est donnée dans les médias. Il y a en général peut-être un peu moins autour de Saint-Imier par les anarchistes, c'est pas un hasard. Parce que justement, si les propositions anarchistes sont reprises par les gens, là c'est dangereux. C'est dangereux pour les États, c'est dangereux pour le système, mais c'est réellement dangereux. Donc il faut bien que ces flux d'idées, on les détourne. Quoi. Et je suis d'accord avec toi, ce qui s'est passé à Saint-Imier, c'est peut-être local, mais quand même, au-delà de ça, dans l'esprit des gens, il y en a beaucoup qui ont vu les anarchistes d'une autre façon. Je pense que c'est ça. Alors je sais pas forcément la conclusion qu'on total de tout ce qu'on a vu et dit à Saint-Imier. De toute façon, on va y revenir. Et à moins que vous ayez un dernier mot, genre vive la révolution sociale. Non, on continue. Qui terminait d'ailleurs, ils se sont séparés au congrès de Saint-Imier, le deuxième congrès, le congrès international, en disant vive la révolution sociale. Du moins, c'est ce que j'y étais pas quand même, je suis impressionné. Voilà, vive la révolution sociale.